Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous abordons le 2e dialogue de ce manuel qui met en scène une discussion entre deux étudiants, Khalid et Mohamed, qui s'interrogent mutuellement afin de faire connaissance. Dans la première réplique, Khalid commence donc par demander à Mohamed de lui indiquer son prénom. Masmouk, ismi Mohamed. Dans cet échange, commençons par nous intéresser à la question de Khalid, qui est composée de trois termes. Elle commence par le pronom interrogatif ma, qu'on utilise pour interroger sur la nature d'une chose et qui correspond en français au pronom interrogatif que, quoi, quel, ou à la formule qu'est-ce que, selon le contexte. Ce nom est ensuite suivi de la construction ismuka, qui est elle-même composée de deux éléments. On trouve à son début le nom ism, qui signifie en français nom ou prénom, suivi du pronom personnel kaf, de la deuxième personne du singulier masculin, et qui correspond au pronom personnel toi en français. Notons ici que ce pronom personnel se présente sous cette forme lorsqu'il occupe une fonction qui implique le cas de déclinaison indirecte, el-jar, et s'écrit de manière attachée au nom qui le précède. Notons également que cette construction ismuka constitue une annexion qui signifie littéralement le nom de toi et correspond en français à la tournure ton nom qu'on emploie pour exprimer la possession à l'aide d'un adjectif possessif. Si on traduit littéralement les trois termes de cette question, on obtient donc quoi ton nom, dont le sens correspond à la question « Quel est ton nom ?» que l'on pose lorsqu'on souhaite connaître l'identité de l'interlocuteur et qu'on formule également en français en disant « Comment t'appelles-tu ?» Dans la suite du dialogue, Mohamed répond ensuite à Khalid en lui indiquant son prénom en disant « Ismi Mohamed ». Au début de la réponse de Mohamed, on retrouve donc le nom « Ism » que nous venons d'étudier et qui signifie « nom ou prénom, en fonction du contexte, suivi du pronom personnel « ya » de la première personne du singulier qui correspond au pronom personnel « moi » en français. Comme dans la réplique précédente, ce pronom personnel est écrit sous une forme attachée au nom « ism » qui le précède, car il occupe une fonction qui implique le cas de déclinaison indirecte. En effet, la construction « ismi » constitue à nouveau une annexion qui signifie littéralement « le nom de moi » et correspond en français à la tournure « mon nom » qui se construit à l'aide d'un adjectif possessif qui ne possède pas d'équivalent en arabe littéraire. À la suite de cette construction, on trouve enfin le nom « Mohamed » qui désigne le prénom « Mohamed ». Traduite littéralement, cette phrase signifie donc « mon nom Mohamed » et ne contient aucun verbe puisque le verbe « être » est sous-entendu en arabe littéraire dans les phrases qui décrivent des états ou des situations. Du point de vue du sens, elle correspond donc en français à « mon nom est Mohamed » et qu'on peut également formuler en disant « je m'appelle Mohamed ». Avant de terminer ce cours, intéressons-nous à une particularité qui concerne la prononciation du nom « ism ». Si on observe la question de Khalid, « masmouka », on constate qu'aucune voyelle n'est indiquée en dessous de la lettre alif au début du nom ism, tandis que dans la réponse de Mohamed, ismi Mohamed, on trouve la voyelle kasra indiquée au-dessous de la lettre alif au début de ce nom. En effet, la voyelle kasra n'est prononcée au début du nom ism que lorsque ce nom est placé en début de phrase ou qu'il est prononcé dans une phrase après une pause. En revanche, lorsque le nom ism est précédé d'un autre mot, on fait directement la liaison entre la voyelle finale du mot précédent et la lettre sin du nom ism, et aucune voyelle n'est donc prononcée au début de ce mot. En début de phrase, on dira donc ismi Mohamed, tandis qu'en milieu de phrase, on dira masmuka, sans indiquer la voyelle kasra au début du nom ism. La raison de cette variation est qu'en arabe littéraire, il n'est pas permis de débuter une phrase ou de continuer une phrase après une pause par la prononciation d'une lettre sans voyelle. La fonction de la lettre alif au début du nom ism est donc uniquement de servir de support à la voyelle kasra dans le cas où le nom ism est prononcé en début de phrase ou après une pause. Dans cette situation, la lettre alif est alors appelée alif de liaison, en arabe alif ul wasl, qu'on retrouve au début de nombreux autres mots en arabe littéraire, comme nous le verrons dans la suite de notre étude de ce manuel. Voilà pour aujourd'hui, ce 11e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. On se retrouve, incha'Allah, très prochainement avec le 12e mini-cours, dans lequel nous continuerons l'étude de ce dialogue entre Khalid et Mohamed. Wassalamu alaikum.